boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Another day, another to forget. What do we need? What could we never get? Another time, I thought we all regret. We were never from another place, we could be instead. Another word that we never said. Another world for us to reset. A world where we belong. For you, me, the numbers, the numbers, the numbers. Free to be who we wanna be. One, two, three, four, you and me. Pour ouvrir le 286e Pop and Rock sur la très locale RVR, où quand la rencontre d'un Anglais, d'un Suédois et d'un Français donne naissance en 2024 à Numbers, nouveau titre du trio pop. Ouais, mais quand on a dit cela, il reste heureusement une route pavée de rock. If your heart needs the pain, what would a heart yet do if not lose? If only one surrender at night, if only one. Oh, I've been feeling lower than low with you. The highs are high, but nothing that heart can't do. When breaking, a heart must prove. So you must. What would a heart yet do? If not, if only one surrender at night. If only one, I will say goodbye forever. Pentecost, piste 4 de Agora Morimei, nouvelle pépite des Smashing que nous allons encore un peu découvrir dans cette belle soirée pop and rock'n. Attention, ça va secouer. Down and all around. Fold the papers, those saints that lay below. Allez, rendez-vous semaine prochaine pour deux nouveaux titres du nouveau Smashing, mais en attendant, retour vers le nouvel album de Raskolnikov. Hola, soy Jaime de Raskolnikov y están escuchando Pop and Rock en el 104.6 de la RBR, los hijos pequeños del rock. Belle sorcière, Odie, si tu le sais. blessé, à cet esprit comblé d'angoisse, c'est pareil au mourant qu'écrase les blessés, que le sabot de cheval froisse. Dis-le si tu le sais, à cet agonisant que le loup déjà flaire, et que surveille le corbeau, à ce soldat brisé, s'il faut qu'il désespère d'avoir sa croix et son tombeau, ce pauvre agonisant que déjà le loup flaire. Avant la sortie du nouveau Raskolnikov, sortait Turn Blue des Black Keys. Et ce soir, j'ai envie de calme, Weight of Love, piste 1 de cet album sorti en 2014. But you were always up to something. You always had a run. wanna get you, and I know that I wanna protect you. Then I'm gonna forget you. You on my mind. Don't give yourself away to the weight of love. Be on. Allez. Voices calling me, they get lost and I

en train d'écouter Pop and Rock. Such a nice day for you. Et ouais, Pop & Rock vient de vous offrir un voyage irlandais, j'espère que ça vous a plu parce que maintenant, on fonce aux États-Unis. Alex Mas introduit avec son magistral Keep Your Balance une fin de pop and rock pendant laquelle on ne va retrouver que des vieux potes. Pop and Rock, c'est sur RVR. My friends got me going crazy. drunk, I'm smashed, hammered, and really messed up. But I'm having fun, at least that's what I think. So who's gonna get me another drink? Who's gonna get me another drink? The waves play their game. May tomorrow come. May tomorrow come. Going home down the ocean. Watch the waves play their game. Et ouais, c'était la petite triplette du soir des vieux potes avec Elmi et ses Sniffers, suivi des Belges de Black Box Revolution, et à l'instant, c'était les toujours jeunes de Children of the Sun. Vous êtes perdus ? Pas grave, foncez sur la page Facebook de Pop and Rock sur RVR, vous y retrouverez toutes nos programmations. Mais en attendant, bon vent à tous !